entendu parler d'un truc dingue qui tournait, je m'en suis procuré. Et le gars qui me l'a vendu m'a dit, surtout, ne prends pas trop de ce truc. J'ai cassé un huitième de gramme en trois morceaux. Je me suis injecté ça et je me suis écroulé juste là. Je crois que c'était la première fois que je testais du fentanyl. Du fentanyl pur. Gros terre, fentanyl. Je coupe ma merde au fentanyl. Razal, goal dans la ligue. Reste dans ma ligne. Cubé comme l'époque, les fracs. Shenzhen, mes drogues, des fracs. Effet de surprise. Inattendu quand je décoche des frappes, nique un sioniste comme VHL. On a la logistique qu'il faut pour acheminer les colis d'un point A à un point B comme DHL. John Wall dans la peinture, 300 balles dans la ceinture. L'un, texture comme si j'ai mis un peu d'eau dans de la peinture. Et s'il te plaît, parle cash, négro, parle-moi concrètement. Allô docteur Medellin, c'est comment pour mon traitement? À Dakar on connaît des Alonso, des Vic Mac. Il a voulu s'allumer comme moi, il a vite laqué. Et j'type des lignes Bordeaux, fils j'ai les techniques des Tigordo. Galsen comme Yekini et Gris Bordeaux. Je connais Vlad Combo comme si je t'affais chez Capcom. Dans les piles négro, je me sens comme si j'ai pas de corps. Pendant qu'ils achètent là les streams, je veux les faf à Val Vestim. Est-ce le roi Enoch, rap radical, tactique de la Palestine. Séisme artificiel, contrôle de météo. Je les vois petits comme si j'étais haut. J'enseigne la vie comme GTO. Alphonse, rap professeur. S.O. Bob, Danny, plus de tech que 4 processeurs. Tous les jours dans le labo, micro je me sens comme Dexter. Dans la planque avec le plan, micro je me sens comme Lester. Bakou, j'écrase 7 têtes, je regarde le ciel. Je guette la bête à 7 têtes, série d'élimination. J'en suis à 7 têtes, S.O. DGK, Rockma. Grosse frappe comme Drogba. Vrai négro, jamais de ma vie, je danse sur une table comme Pogba. Je vois flou dans les eaux glacées. S.O. Sobek, le croco des eaux glacées. S.O. la mafia négro, S.O. les eaux placées. Précis comme si je joue chez OKC. Je roule des gros tassés, ça me fait mal quand je pense à des gens de qui je dois parler au passé. Self-made, équipe à fond, pas d'assistance. SRR 61, je règle la hausse par rapport à la distance. Damson, ils me font bien rire, haha comme Nelson. Mes gros je les utilise pour rouler comme Benson. Concu, j'en fume des plaquettes, Medusa sur les claquettes. Audio d'eau, je bute des craquettes, je suis comme Wilson sur les raquettes. Blue Beam, c'est la NASA, mélange sirop à Maza. Shenzhen, Aka, Razal, fume la frappe, négro la Haza. On se voit de l'un comme à Abuja. Vagande américaine comme à Fallujah. Je fume beaucoup de chip, touche beaucoup de cibles. 28 négro, y'a plus beaucoup de cibles. Équipe. Fuck.